Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive, votre émission quotidienne qui parcourt les initiatives locales. Et aujourd'hui, direction Beaumont-Louëtau en Indre-et-Loire pour parler de l'événement qui va clôturer l'été en beauté, les interludes du festival En Rue Libre. Et pour en parler, c'est Perry Garnou, président du comité des fêtes de Beaumont-Louëtau, organisateur de cette journée pas comme les autres, qui est avec nous. Bonjour Perry. Bonjour Malou. Alors ça va être une journée 100% bretonne, festive et décalée, avec au programme du Palais Breton un bagad traditionnel, une tête d'affiche impressionnante avec le groupe Digresque, sans oublier la fameuse galette saucisse, un très très prometteur également, le bar Effet Mer. C'est ça. En deux mots. Perry va tout nous expliquer de tout ça. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter le festival En Rue Libre, un petit peu comment c'est né et pourquoi cette année c'est un interlude? Alors oui, on va remonter un petit peu à la genèse du projet. On avait pour ambition de promouvoir la culture sous toutes ses formes, une culture visuelle, artistique, une culture d'art vivant, la culture de la rue. Et surtout, on avait envie d'apporter cette culture à la campagne, vers un public qui n'est pas toujours bien averti ou bien en phase avec l'approche culturelle, non pas qu'ils n'ont pas les compétences, mais étant à la campagne, les lieux de diffusion sont bien souvent en centre-ville. Mmh. Et notre idée, c'était de faire venir la culture à la campagne. On a cherché un petit peu quels étaient les endroits où on pouvait diffuser cette culture. Et en fait, assez rapidement, on est arrivé à la conclusion que la plus belle scène du monde, c'est la rue. Donc on a investi des rues de notre village, d'où le nom d'ailleurs du festival qui s'appelle En Rue Libre. Donc la première édition a eu lieu l'année dernière, c'était un énorme succès pour nous. J'en témoigne. Voilà, tu étais avec nous, c'était super et merci à Radioactive d'avoir fait la promotion également de ce festival. Il y a eu 1500 personnes, de mémoire je crois que c'est 13 heures de spectacle sur une soirée et une journée complète, ce qui est quand même assez impressionnant. Mais tellement impressionnant qu'on a énormément travaillé pour que cette édition 2024 soit une belle réussite, qu'on est arrivé à la conclusion qu'on ne pourrait pas rééditer ça tous les ans, faute de moyens humains. On a tous un métier, on est tous bénévoles. Et on est parti avec l'idée de faire un festival tous les deux ans. Donc la prochaine édition du festival En Rue Libre aura lieu certainement en juillet 2026. Mais on s'est dit, deux ans sans festival à Beaumont-Louëtau, les gens vont nous oublier. Donc on va faire un petit concert, on fait un tout petit concert pour dire aux gens « on est là, on vous oublie pas ». Et ce petit concert finalement, de fil en aiguille, d'idée en idée, se transforme en une grosse journée bretonne avec effectivement le groupe Digresque. Alors je peux un petit peu parler de Digresque et comment on en est arrivé à Digresque? Bien sûr. Bah, tout simplement, on avait un bénévole, un ami qui venait de Bretagne, qui nous a fait un gros coup de main l'année dernière. Et un soir de délire, il nous dit « Ouais, moi je connais un super groupe, ils cartonnent en Bretagne, ils sont dans tous les festivals, ça s'appelle Digresque, c'est des potes, tu verras, c'est vachement bien. » Il me fait écouter, c'est vachement bien. Mais je lui dis « Mais ouais, mais nous, on n'a pas les moyens, enfin, on va pas mettre des milliers de cents pour un petit concert qui, de surcroît, sera gratuit. » Il dit « Non mais appelle-les et puis vous verrez bien quoi. » J'ai appelé Digresque et ils sont juste géniaux, adorables. On est tombé d'accord sur un tarif de prestation qui nous convenait, qui leur convenait. Bon, ça, c'est juste pour souligner qu'ils ont fait un effort, et c'est super. Et voilà, on a programmé Digresque, et puis on s'est dit, ouais, bon, quitte à faire un concert breton, il faut qu'on donne une petite coloration bretonne à la journée. On a cherché, on a découvert qu'en Touraine, il y a la Fédération Bretonne de Touraine, qu'on a contacté, qui sont géniaux aussi, qui nous ont dit, ben, nous, on a un bagad. Et on vient. Alors un bagad, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe de musiciens traditionnels de Bretagne. Il y a du biniou, il y a de la bombarde, il y a d'autres instruments que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, c'est la musique un petit peu aiguë là, qu'on entend dans les fest-noz. Dans les fest-noz, exactement. Ouais. Et en fait, on s'est dit, voilà, on va se faire une sorte de fest-noz. Et on s'est dit, bon, bah, ok, on a un bagad. Ok, on a des Digresque. Bon, bah, on va oublier la merguez, on va faire galette saucisse. Ok. Donc on a trouvé un producteur de galettes en Bretagne. Et pourquoi on ne ferait pas un concours de palais breton? Donc on fait un concours de palais breton. Et après on s'est dit, bon ben là en fait c'est une grosse journée qu'on fait. Et ça tu n'es pas au courant, mais on a également programmé un super, il n'aime pas le terme, mais un super DJ qui viendra clôturer la soirée, ou du moins la nuit peut-être, pour finir toute cette belle journée. Et il y aura peut-être également, ça c'est pour parler avec la mairie, un feu d'artifice. Soirée calva. Non, un feu d'artifice pour clôturer l'été et tout ça. Formidable. Donc voilà, d'un petit concert, on part sur encore un truc assez conséquent, mais on est un peu foufou, on adore ça. C'est ça, hein, vous savez pas vous conditionner c'est en fait hein, à Beaumont-Loueto. Non, c'est ça. C'est tout ou rien. C'est toujours tout en fait. Et c'est bien parce qu'en même temps, c'est un petit clin d'œil aussi aux origines de l'équipe pour le coup, puisque rappelez-moi votre prénom. Je m'appelle Périg, ce qui en breton veut dire petit Pierre. Alors, je n'ai aucune influence sur la programmation. C'est vraiment le hasard qui a fait que ce sont des Bretons qui viennent. Du moins, c'est notre bénévole Johan de Bretagne qui est à l'origine de tout ça. Moi, je ne suis pour rien et je n'ai pas fait de prosélytisme pour que la soirée soit colorée bretonne. Pas du tout. Voilà, en tant que président, il est pour une démarche démocratique au sein de l'association. Périg, on va écouter Digresque, oui. Si vous voulez bien. Envers et contre tous, un titre qui détonne, un titre qui va vous mettre en bouche pour cette date, retenez-la bien, le 30 août prochain à Beaumont-Loueto. Ça peut sembler un peu bâclé, car je sais pas où commencer. Mais y a une chose à assumer, c'est que ça va mal se terminer. Je ne suis pas malade, j'ai juste quelques problèmes. Je peux seulement savoir pourquoi tant de gens tombent dans la scène. Multinationale dirigée par la main d'un marché trop brutal. Tyrannisé par le culte d'un habitant sans ses responsables du monde qu'il faudrait arrêter. J'ai tellement de choses à te dire de la thune, de la voix, des colères de mes têtes, de mon cœur en émoi, que tout cela me laisse perplexe. Si tu savais la douleur entendrait par les tests de qui me rendent en pression, je ne peux reculer. De jour en jour, je ne vois plus que la nuit, mais j'espère toujours que le jour reviendra dans ma vie. Je cours après le soleil, bien que dans mes yeux je ne veux voir que des étoiles. Car pour trouver le sommeil, ne faut-il pas être ambitieux et sourire à son idéal. Et je cours après le soleil, bien que dans mes yeux je ne veux voir que des étoiles. Et je cours après le soleil, bien que dans mes yeux je ne veux voir que des étoiles. Car pour trouver le sommeil, et oui, Digresque dans le mag sur Radioactive. Alors pourquoi Digresque ? Eh bien parce que le 30 août prochain, vous les retrouverez pour les interludes du festival En Rue Libre à Beaumont-Loueto, dont Péry Garnoux, le président du comité des fêtes de la commune, est venu nous parler aujourd'hui. Sacré groupe, hein, ça déménage. Ça envoie. Ils sont pas tout jeunes, hein. Ils ont mon âge à peu près. Non mais là, ce sont des jeunes quinquas, mais qui ont une pêche d'enfer. Le chanteur, vous l'avez entendu, il a un flow de ouf. Ah oui. Et puis, c'est une énergie sur scène qui est incroyable. Il faut les entendre en studio, comme on a fait là. Il faut les voir sur scène. Mmh. C'est encore une autre dimension. Ouais, ça envoie. Et c'est un groupe pro, hein, c'est-à-dire qu'ils sont de tous les festivals en Bretagne. On les retrouve sur des dates européennes également. Oui. Ils étaient à Florence début juillet. Ils font pas mal de dates en France, j'allais dire métropolitaine, en dehors de la Bretagne. Mais en tout cas, en Bretagne, ce sont des stars. Vraiment, tout le monde connaît Digresque en Bretagne. Le baga de Bro Turon qui vient faire le baga, donc, connaissent Digresque. Ils sont super contents que Digresque vienne. Donc voilà, c'est vraiment un honneur d'avoir Digresque à Beaumont-Louetot, qui deviendra Beaumont-sur-Mer, peut-être tout en une journée. Et puis gratuit. Oui, alors ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais tous ceux qui nous suivent le savent, tous nos événements sont gratuits. Le festival en rue libre est gratuit. La journée qu'on appelait « Chaude comme la braise » ou les interludes du festival en rue libre sera gratuite également. C'est une, voilà. Nous, on veut que la culture soit accessible à tous et toutes. Donc, vous n'avez pas d'argent, mais ce n'est pas grave. En fait, vous avez le droit de venir et venez. Profitons ensemble de cette journée. On ne veut pas d'une culture élitiste et on ne veut pas d'écrémage. On veut que tout le monde puisse venir assister aux concerts, aux spectacles que l'on propose. Alors c'est dur d'équilibrer le budget, mais en tout cas on se débrouille. On a des astuces, on a des coups de main, des coups de patte. Des partenariats. On m'a dit dans l'oreillette qu'il y avait un partenariat notamment avec la Scénophérie de Semblançay. Ça c'est juste incroyable. On a un groupe de musique qui est incroyable, qui envoie. Et on trouvait dommage d'avoir une lumière fixe pour éclairer ce phénomène. Et la Scénophérie nous propose de nous mettre à disposition leur technicien qui est bénévole, leur matériel, et ils vont éclairer ça avec le génie qu'ils ont. Oui, on s'en doute. Alors il y a tout le côté convivial aussi qui va rythmer cette journée, qui démarrera à partir de 13h30. Donc on rappelle qu'il y a le Palais Breton. Oui, concours de Palais Breton, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se rapproche un peu de la pétanque, sauf que les boules ne sont pas rondes. Ce sont des petits palais, ou comme les gâteaux bretons, vous savez, les galettes Saint-Michel, pour ne pas citer de marque. Et ça se joue sur une planche en bois, donc il y a une sorte de cochonnet, et puis il faut se rapprocher le plus proche possible du cochonnet. Nous fournissons les planches et les palais, si vous n'en avez pas. Donc vous pouvez venir jouer au Palais Breton toute la journée du 30 août, à partir de 13h30. Et le bagade, à quelle heure c'est ? À partir de 18h, qui accompagnera l'apéro, au bar éphémère. Alors, et qu'est-ce qu'on boit à l'apéro ? Qu'est-ce qu'on boit en Bretagne ? Du cidre. Du cidre, évidemment. On a du cidre fermier qui sera proposé aux festivaliers, en plus de la bière et en plus des boissons habituelles. Et alors, qu'est-ce qu'on mange ? On l'a déjà dit, mais bon, puisqu'on est dans le menu, allons-y. Bah, qui dit fête bretonne, qui dit fest-noz, qui dit match de foot au Stade Rennais, dit forcément galette saucisse. On a commandé 400 galettes, 400 saucisses. On a également un galetier, ça je ne vous l'ai pas dit, mais qui vient de Bretagne, qui proposera de faire des galettes en plus avec son bilic sur place. Donc ça va être vraiment une journée bretonnante jusqu'aux papilles. Nul doute qu'on verra des drapeaux bretons s'agiter au moment du concert, comme c'est le cas. Vous avez remarqué, Péric, dans chaque festival, dans chaque concert... J'ai la ref. Il y a toujours... un con avec un drapeau breton, c'est ça ? Petit clin d'œil au Fatal Picard. Alors, vous me devancez, Malou, alors, on sait qu'il y en aura, mais on en a acheté aussi, nous. Donc, on sera nos propres cons avec le drapeau breton. C'est fabuleux. Alors, vraiment, aucune raison de ne pas venir à cet événement qui est gratuit et qui est un vrai pari aussi pour une journée riche en animation et pour, comme l'a dit Périg à plusieurs reprises, proposer la culture auprès de tous les publics, un événement qui sera familial, qui aura lieu le 30 août. Est-ce qu'il y aurait un message à faire passer aux auditeurs qui hésiteraient encore à réserver cette date ? Mais alors, je ne sais pas ce qu'on pourrait ajouter de plus. On a un groupe extraordinaire qui envoie. Il fera beau, ça s'est calé aussi. C'est commandé. C'est commandé. Donc c'est gratuit. Le groupe, il est fabuleux. On a un DJ qui viendra finir la soirée, qui est juste incroyable. On a un bagade. Pour ceux qui ne connaissent pas le bagade, vraiment, allez écouter ce que c'est qu'un bagade. Ça fout les poils en l'air. C'est vraiment bien. Tout ça, c'est gratuit. Nous sommes tous bénévoles. On essaie de bousculer un petit peu ce qui se fait habituellement sur notre territoire. Donc venez vos amis, transmettez le message, venez à plusieurs, passez une journée extraordinaire. Et puis, le dernier mot, le meilleur endroit pour faire la fête en France, c'est la Bretagne. Et bien là, c'est la Bretagne qui vient en Touraine, donc il n'y a vraiment pas d'excuses. Eh bien, tout est dit, j'ai envie de dire en avant Guingamp. Et Kenavo. Et Kenavo. Merci beaucoup, Périg, pour toutes ces infos et ce bel avant-goût des interludes. On note bien cette date, encore une fois, le 30 août, ce sera au stade de Beaumont-Louetot. pour une journée bretonnante à souhait entre musique, tradition et bonne humeur. Rendez-vous donc sur place pour vivre cet événement, n'oubliez pas, à partir de 13h30. Et d'ici là, vous pourrez rester à l'écoute de Radioactive où je pense qu'on entendra Digresque de temps en temps, ainsi qu'une petite promo pour rappeler à nos auditeurs de ne pas oublier cette date. Merci beaucoup Périg. Merci Malou, merci Radioactive. Avec grand plaisir parce qu'on est sur l'affiche en plus, donc on est hyper content. Merci pour votre fidélité aussi à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de ce mag et puis tiens, on va se quitter avec, allez, Digresque. Tant qu'à faire. J'ai passé toute ma vie à voir en noir et blanc. Je n'ai pas d'échelle de gris entre le sombre et le brillant. J'ai passé toute ma vie comme dans un film en noir et blanc. D'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Le bon, la brute, mais jamais le truand. La mélodie d'une flûte ou le fatras d'un gamelan. Le sexe, les mensonges, mais jamais la vidéo. Parfois la vie me plonge dans une leçon de piano. Je n'ai pas peur et je l'avoue, même si ce monde vous semble fou. Vous qui voyez tout en couleur, vous devriez en avoir peur. Le soleil vous brûle les yeux et tous vos rêves sont incolores. Et quand la nuit vous est enclue, moi dans les rues j'y danse encore. Vous craignez le malin dans tous vos contes et légendes. Vous créez de vos mains l'obscurité pour en dépendre. Une fois dans le néant, vous implorez lumière d'un temps. Dans ce monde en couleur, vous vivez pour le noir et blanc. En noir et blanc, parfois j'avoue c'est dur. J'aimerais un temps pour un instant garder des deux côtés du mur. Je vois la vie en noir et blanc, parfois j'avoue c'est dur. J'aimerais de temps en temps voir les couleurs de la nature. Soit c'est tout, soit c'est rien, je ne contente pas d'à peu près. Soit c'est pile, soit c'est pas, ça tranche, c'est pas vraiment concret. Soit c'est mal, soit c'est bien, pas l'équilibre sur ma balance. Le yin et le yang comme chat et chien calibre tout mais pas de danse. Pourquoi dans ce monde se complète-on à la moitié? Pourquoi en une seconde à part faire devient entité? Pourquoi s'émouvoir de la beauté d'un instant? Pourquoi chercher l'espoir sachant qu'il n'y en a pas souvent? Daltonien de la vie, j'y apprendrai à mes dépens. Dalmatien de la nuit, je crèverai en noir et blanc. Daltonien de la vie, j'y apprendrai à mes dépens. Dalmatien de la vie, je crèverai en noir et blanc. La vie en noir et blanc, mais que quelqu'un m'explique. Je veux bien retourner sur le banc pour un peu plus de rhétorique. Je vois la vie en noir et blanc, mais pas de gris ni de milieu. Je veux bien boire la moitié du verre pour ne plus jamais être un bleu. Comme a dit l'autre, j'ai pas les bases. Une nuit de plus où mon cœur s'embrase. Et sous la lune, je me sens dans le gaz. Quelle infortune de ne pas être en phase. J'ai pris Nobel de l'amertume. Une fois de plus, une nuit n'est pas coutume. En noir et blanc, dans mon plus beau costume. C'est pour maintenant, je sens mon cœur qui fume. Voir la vie couleur pastel, une virée dans l'irréel. Pour une fois être vivant, entre le noir et le blanc. Moi je veux peindre une aquarelle, pleurer sous un arc-en-ciel. Je veux retrouver une âme d'enfant, je veux plus voir en noir et blanc. Que la mort me pardonne, je ne rentrerai pas ce soir. Même si son glaçonné résonne, je ne reviendrai pas dans le noir. Daltonien de la vie, dalmatien malvoyant. Aujourd'hui c'est fini, je ne vois plus en noir et blanc.